fonctionnaires. Le gaz est trop cher, les syndicats ciboires, Haïti dans la misère. Débouche une petite pierre, puis lâche un gros calvaire. Johnny! Ah que ça fait du bien! Johnny! Ça débouche les intestins! Johnny! C'est pas mélange! Johnny! Ça fait sortir le méchant! Ta vie va en direction, partout la corruption. Les politiciens cons, les chantiers de construction. Les taxes qu'on endure, la mauvaise température. Et le jeune, oui, toi le jeune, écoute quand je te parle. Tu aimes ça, chialer à longueur d'année sur tout et n'importe quoi. Alors, une brillante carrière t'attend dans le merveilleux monde de la radio et de la télé. Sur la planète, Johnny, c'est comme un nouveau pas, Johnny, à l'ombre tes plus beaux habits, Johnny, et sort dans la rue. Y'a pas juste chez toi que l'on fait la gueule, on chiale en Égypte,